De Canal B sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet. C'est l'asile le plus sûr, comme tous les lundis, à partir de 21h30 ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h. Et cette semaine, émission un peu particulière puisque je reçois une sommité de la critique rock rennaise en la personne de mon camarade Eric Day. Salut Eric. Bonsoir. Je suis pas tout à fait d'accord sur tous les termes que tu as employés, mais en tout cas, bonsoir quand même. Ça, c'est un bonsoir bien tonitruant. Et donc, Eric, tu nous reviens dans l'asile le plus sûr pour un livre, ton petit dernier en date aux éditions Le Mot et le Reste, consacré entièrement au groupe allemand Cannes, sous-titré Pop Musique. Voilà. Voilà. Tout est dit. Donc, je te propose, je propose aux éditeurs de discuter, de converser autour de cet ouvrage qui vient tout juste de sortir et qui doit être dans toutes les bonnes crèmeries et maisons qui vend des livres. Ouais, on le trouve un peu partout. Sorti officiellement le 19 septembre et depuis là, ben, ça y est, ça. On trouve, je fais quelques petites vérifications par-ci, par-là. Oui, ça y arrive dans les très bonnes, les bonnes librairies même. D'accord, ok. Donc, non pas une, on va faire non pas une émission entièrement autour de Cannes, puisqu'on avait déjà eu l'occasion ensemble, notamment lors de tes venues assez régulières, notamment à l'occasion de la sortie aussi de ton ouvrage sur le rock allemand qui était sorti, où là, ça fait un paquet d'années. En 2007, la sortie du bouquin, ouais. Au-delà du rock. Ouais, au-delà du rock, donc sur la scène du krautrock et du rock expérimental et un tantinet cosmique allemand. On en avait pas mal parlé de Cannes aussi à l'occasion du coffret. Ouais, récemment, là, ouais, l'an dernier, quand le coffret The Lost Tapes est sorti, qui a relancé un peu la machine un peu pour tout le monde, se dire, ah ben non, mais c'est quand même un groupe qui tire encore, même avec avec des archives hallucinantes. Oui, se sont classées dans les charts, je crois, avec ce Lost Tapes. Et c'est justement cette sortie de coffret qui a incité l'éditeur et moi-même à justement écrire le bouquin. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est à l'occasion de la sortie du Lost Tapes que vous avez, vous êtes accoquiné avec Yves Jolivet du Mot et le Reste pour sortir cet ouvrage. Mais c'était un peu logique après les deux précédents livres que tu avais sortis au Mot et le Reste. Logique, quoi, du coup, donc Au-delà du rock sur la scène allemande et l'underground musical en France de l'après 68 qui était sorti lui il y a 5-6 ans. 2008, l'underground musical en France. Ouais. Et qui vient de ressortir. Oui, une nouvelle édition avec une nouvelle couverture, une nouvelle petite sélection de pochettes et deux pages en avant-propos qui expliquent un peu la démarche, ce qu'on n'avait pas fait dans le premier, parce que on était tellement dedans que pour nous ça coulait de source. Logique, et c'était un peu une demande qui nous avait été faite de dire peut-être expliquer un peu pourquoi, comment ça a été fait. Et voilà, du coup, il y a des. De petites pages au début, sinon un peu de quelques petits ajouts par-ci par-là. Il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'autre édition, légères corrections, à part l'avant-propos. Vraiment, c'est vraiment le changement de cette nouvelle édition, parce qu'il fallait faire un nouveau tirage de toute façon. Il était épuisé, on commençait à le voir des sommes mirobolantes sur eBay. On se l'arrachait à prix d'or. Non, on va pas laisser faire ça quand même. D'accord, donc on va attaquer avec deux séquences qui n'ont rien à voir avec Cannes, dont on parlera plutôt dans 20 minutes, une demi-heure, ensemble. Et on attaque par un groupe qui vient d'être réédité, il s'agit des 70s Pick Me's. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose, Eric, les 70s Pick Me's, qui était un combo américain. De Los Angeles, un peu le side project des gens de Savage Republic, groupe de post-punk en fait, du début des années 80. Du brouillard. Groupe créé par Jackson Del Rey, de son vrai nom Philippe Drucker, ex-Savage Republic, qui pratiquait donc une musique post-punk. Oui, c'est le nom Philippe Drucker qui te fait rire. Bah, c'est vrai que vaut mieux s'appeler Philippe et Drucker. Jackson Del Rey, donc. Donc un groupe pas mal influencé par les musiques du monde aussi arabe, musique nouvelle, et voilà une sorte de version californienne des Young Marble Giants, les 70s Pick Me's, donc avec une réédition des deux premiers opus qu'ils avaient sortis en 84 et 85, agrémenté également de leur premier EP Atticus de 83, donc ça s'appelle Jedha by the Sea et Captured in Ice, leurs deux premiers albums qui étaient sortis à l'époque sur leur propre label Resistance Records. Et c'est la maison d'édition britannique qui réédite les catalogues des disques Factory Records, comme les disques du Crépuscule, Les Temps Modernes, donc qui s'est collé à cette réédition de Jedha by the Sea et Captured in Ice. Et je voulais aussi vous signaler que les 17 Pick Me's se sont reformés donc et ont publié un album l'an dernier sous le titre de Isabelle, de même que Savage Republic qui continue également. Mais là, je vous propose donc le tout démarrage de cette formation avec un titre un peu arabisant. Vous allez vous croire sur les dunes. Ça s'appelle le Lawrence of Arabia par les 17 Pick Me's. We'll be right back. tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah, ah, ah, ah. Et voilà donc une séquence pour démarrer l'asile relativement raccord par rapport aux ouvrages que tu publies, Eric, aux éditions Le Mot et le Reste. On a entendu tout d'abord un titre qui avait 30 ans d'âge, de 1983, des 17 Pick Me's, extrait de la réédition des deux albums Jedi by the Sea et Captured in Ice, accompagné par leur premier EP, dont on en écoutait un extrait avec cette reprise de Lawrence of Arabia, que tu trouvais très agitation free d'ailleurs sur les bords, Eric. Ouais, ça me faisait un peu penser un peu à Agitation Free. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté 70s un peu. C'est l'organ mon, je ouais, pense. Ouais. Ouais. Du coup, c'est des sons tout de suite qui font un peu plus. Daté quoi, enfin. Mais c'est vrai que sur la plupart de. C'est pas de la boîte à rythme ou du synthé des années 80, quoi. Enfin, c'est. Tout à fait. Ce qui fait de une étonnante sortie pour les années 80, quoi, je trouve. Mais je crois que c'était plutôt une jam session, ce morceau, et que par la suite, en fait, les albums qu'ils ont fait paraître et les titres étaient beaucoup plus accompagnés par du synthétiseur. Il y avait aussi pas mal d'arrangements et du violon, et puis la voix de la chanteuse de ce groupe, donc 17 Pick Me's, side project de Savage Republics. C'est sorti chez les Temps Modernes ce double CD accompagné d'inédits des 17 Pick Me's, qui était enchaîné bien évidemment avec Gong. Ah ouais, voilà, je me disais, c'est du gong ça. Voilà, obligé. Le psychédélisme version camembert, comme vous intitulez un chapitre de l'underground musical en France qui vient d'être repressé par l'éditeur Le Mot et le Reste. Donc premier 45 tours de Gong, sorti par Big Actuel, de la première formation, je crois que c'est la toute première formation à l'époque où ils avaient leur premier batteur, Chidouari, ils ont épuisé des batteurs. Hein, oui, et puis même, c'est 69-70, hein, du coup, par là, c'est un moment où tout se réorganisait, entre savoir le gong, il y avait Banana Moon, le hameçon ensuite qui est sorti de Banana Moon, les diverses formations de David Allen sous des noms qui n'étaient pas tout à fait gong, mais qui étaient gong quand même. C'est vrai que l'archéologue gongesque a du travail aussi et du fil à retordre pour retrouver un peu le fil. Donc en tout cas, un 45 tours, le premier 45 tours sorti chez Big Actuel, je crois que c'était enregistré dans le fameux château que leur prêtait Jérôme Lapérouzas pour enregistrer leur frasque à la fin des années 60, et ça a été réédité aussi à l'identique par le label anglais Finder Keepers en 2009, ce 45 tours garçon ou fille en face à, et de ce titre Hypnotize You qui est en face B. Voilà donc différentes informations que vous pouvez trouver dans cet underground musical en France qui est un peu la bible. C'est devenu un peu l'ouvrage de référence hein, depuis sa sortie, sa première édition en 2009. Ouvrage de référence donc sur les musiques underground de l'après 68 jusqu'aux années 80. Vous avez allé aussi pas mal sur. Jusqu'à certains disques date de la sortie du bouquin, enfin de 2008. Puis même, on a rajouté quelques petites références pour la nouvelle édition. Du 21e siècle. Hein. D'accord. De 68 au 21e siècle. Ouvrage co-écrit en compagnie de Dominique Grimaud, que nous saluons d'ailleurs s'il écoute l'asile, comme c'est assez souvent le cas. Il m'a dit qu'il allait écouter. Voilà donc Dominique Grimaud, salut. Auteur d'ailleurs du générique de l'asile, le plus sûr qu'on salue, bien évidemment. Et on va continuer avec une autre séquence qui n'est pas du tout en relation avec les trois livres que tu viens d'écrire ces dernières années, Eric. Et là, il y a donc une séquence de musique électronique, mais je voulais aussi te passer de la musique électronique qui fait pas mal penser aux années 70-80. On va écouter un projet post-cosmiche vaporeux d'un américain de Chicago qui s'appelle, lui il a un nom moins drôle que notre ami Drucker de 17 Pick Me's, Ben Billington, pardon. Donc c'est le premier disque officiel de son projet Quick Sales. Il s'intitule Mayville Dream. Il est sorti comme de juste aux éditions Mego, petite collection Spectrum Spools qui sort beaucoup de choses de ces musiques rétro-futuristes qu'on peut parfois appeler aussi hypnagogiques dans certains cercles. Mais lui, il est beaucoup plus axé sur de la polyrythmie et des travaux de timbre que sur du drone langoureux. On écoute le morceau Institute Innards par Quick Sales, extrait de ce Mayville Dream. Thank you. Voilà une séquence de musique un peu sur le retour, avec des sonorités plutôt qui remontent de la fin 70, début 80. On n'est pas très loin de l'époque du label allemand Sky Records pour ces groupes. Enfin, peut-être pas sur la séquence qu'on a pu entendre, mais un petit peu. Un peu cluster ou harmonia. En tout cas, pour le Quick Sales qu'on a écouté tout d'abord, c'était un peu le cas effectivement, le projet de cet Américain de Chicago avec son album Mayville Dream, publié par Spectrum Spools. Alors c'est pas désagréable à écouter, ça casse pas trois patins à un canard non plus, hein, à vrai dire. Quant au second groupe qu'on a pu entendre, alors là j'étais assez dubitatif au démarrage. Le projet s'intitule The Celebrate Music Synthesizer Group, et je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que j'allais détester cet album publié par ce super groupe également de musiciens américains spécialisés dans le post-psychédélisme électronique, plutôt des musiciens un peu dans le drone électronique, dans lequel on retrouve notamment monsieur Cameron Stallones alias Sun Arrow, en compagnie de M. Jedes Kengrass, son acolyte au sein, ainsi que le batteur des Boredoms, Butchy Fuego. L'album éponyme vient tout juste de sortir sur le propre label de Sun Arrow, Sun Arc, qui est d'ailleurs en coproduction avec Drag City, donc c'est disponible à peu près partout. C'est un double album de 70 minutes avec des pièces qui oscillent entre 9 et 20 minutes, et en fait ce sont les titres les plus courts, entre 4 et 6 minutes, qui font vraiment bouche. C'est plutôt assez intéressant dans la recherche sonore, même s'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. C'est parfois plus intéressant que ce que monsieur Sun Arrow produit récemment, mais bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, ce Celebrate Music Synthesizer Group. Mais place maintenant au groupe mythique et légendaire, s'il en est, à savoir The Can. The Can qui voit donc une belle monographie éditée par les bons soins du Mot et le Reste, dont tu es l'auteur, Eric. Voilà, donc une séquence entièrement consacrée au livre que tu viens de sortir, Cannes, sous-titré Pop Musique. Alors, pourquoi Pop Musique ? Ah, c'est une, presque une boutade, c'est une forme de provocation, je dirais. Après, au-delà du rock... Oui, parce que c'est bon, évidemment, Cannes, c'est quand même un groupe auquel on pense plutôt, qu'on dit, ouais, c'est une forme de... Justement, c'est ce qui me fait un peu rire, enfin, je trouve assez marrant actuellement, c'est que le reste sort aussi un bouquin sur David Bowie qui est sous-titré L'avant-garde pop. Ah oui, d'accord. Et justement... Donc, tu as pris le prix inverse, quoi. Non, j'ai appris, je l'ai su quand c'est sorti, moi, c'est tout. Et je trouve ça assez amusant que ça sorte en même temps, qu'on aurait pu inverser les sous-titres, en fait. Oui. Mais justement, en fait, conceptuellement, Cannes, justement, eux, étaient dans une approche où ils ne rejettent pas l'avant-garde, mais ils la... Ils la prennent comme quelque chose qui fait parmi d'autres références et ils se disent, bon, voilà, de toute façon, l'avant-garde, c'est quelque chose qui, c'était la fin des années 60, c'est quelque chose qui est finalement tourne en boucle depuis une quarantaine d'années, finalement. Le moment où ils ont démarré, en fait, c'était un peu l'apogée ou la fin des avant-gardes, quoi, en quelque sorte, quoi. On peut considérer aussi qu'ils arrivent un peu après. Mais c'est pas que c'est une fin des avant-gardes, c'est que c'est devenu un style en soi, finalement, les avant-gardes, comme quand on parle du free jazz, par exemple. Oui, le free jazz, c'est devenu un style en soi. Ouais. Et eux, Jacques Ellibs, avec le batteur, comme la musique électro en particulier, enfin, si on parle du batteur, lui justement le free jazz il voulait plus en faire parce que il s'y retrouvait plus, il trouvait que ça c'était une impasse pour lui. Ouais, lui qui avait fait partie et des, du coup, ouais, des lui, groupes, il voulait plus s'orienter vers des rythmes comment répétitifs, réguliers, enfin des choses qu'on trouve pas vraiment de façon massive dans le free jazz, enfin. Et Irmin Schmidt et Wolfgang Zukai qui ont été étudiants de Karl-Heinz Stockhausen, c'est pareil. On pense souvent à Cannes en disant « Ouais, c'est de l'avant-garde parce qu'ils ont... » Parce que Jacques Lipzig a participé au groupe de free music en Allemagne, de Schlippenbach Co. Oui, et que Zukai et Schmidt ont été élèves de Stockhausen. Du coup, oui, voilà, c'est de l'avant-garde. C'est parce qu'ils ont été proches du grand maître de l'avant-garde. Ouais. C'est un bouillon de culture qui a donné un groupe incroyable. La musique de Stockhausen, c'est pas une musique qui est accessible et qui est diffusée en radio. C'est sûr. Et justement, eux, c'est leur idée, c'est qu'ils voulaient sortir de ces carcans-là, finalement. En sortir sans les rejeter complètement. Et du coup, vraiment faire de musique populaire. Enfin, moi, le sous-titre pop musique, je l'entends vraiment dans le sens d'une musique populaire que, quand on pense à l'opposition musique savante, musique populaire. C'est-à-dire, musique savante, c'est les musiques de laboratoire, de recherche et tout ça. Et musique populaire, c'est un peu dénigré. Enfin, c'est pour ça que des fois... quand on parle de pop musique, c'est ouais, bon, oh, c'est. Et nous, au contraire, eux, ils se sont dit, mais non, nous, on veut faire musique bah, pour aussi vendre des disques, pour vivre de leur musique tout en s'amusant. C'était ça aussi le truc. Et pour les gens qui puissent produire sur scène, faire écouter un public, etc. Quoi. Et même faire danser les gens. Ouais, après, ils n'avaient pas non plus une démarche hyper conceptualisée comme ça. Mais quand. A posteriori, c'est comme ça qu'on le reconstitue. Et quand, moi, ça s'est imposé assez rapidement, finalement, ce sous-titre, c'est très, très cohérent de parler de pop musique. C'est un peu le fil conducteur, l'idée maîtresse de ton ouvrage, sur l'idée de groove post-moderne, en fait, ce que tu veux un peu... Voilà, tout à fait, c'est ça. Quand tu parles du fait que c'est un après-avant-garde... c'est complètement ça, c'est de plus faire de l'avant-garde, c'est de faire de musique populaire qui soit aussi savante et avec des rythmiques répétitives qui peuvent aussi être très travaillées mais qui sont accessibles, sortir du côté hermétique de la musique, des musiques savantes en gros. D'accord. Donc à la fois qui fasse danser, vibrer le corps, mais aussi qui musique aussi intellectuelle, enfin le côté post-moderne dans ce dans cette c'est pour ça que tu as collé les deux quoi. Il y a une côté intelligence, enfin un peu la pop musique intelligente quoi. Non, le côté le titre ça aurait pu être à un moment donné j'ai réfléchi pop postmoderne, enfin hein, j'y pensais, enfin puis je me suis dit wow, ça va faire trop sérieux, ça va faire fuir les lecteurs, ils vont se dire wow, ça va être qu'un chiant quoi. Au contraire que là justement quand on affiche pop musique en sous-titre c'est de voilà dire bah voilà c'est prenez-le ce bouquin. Mais avec un K quand même. Musique. Avec un K, voilà, parce que bon. C'est quand même Cologne, c'est quand même. D'accord, mais c'est vrai que ce fil conducteur permet d'avoir un peu tout le déroulé en fait de l'histoire du groupe, parce qu'il y a le côté un peu plus funkisant de la deuxième moitié des années 70 aussi. Complètement. Du coup, on peut avoir une sorte de déroulé de l'histoire des musiques populaires de leur début, où ils s'étaient plutôt dans une sorte de rhythm and blues assez dur quand même, sans chœur, sans section de cuivre quand même. Et puis un peu des spoken words. Après, ils ont pu faire un peu, ils ont fait un peu tout quoi, reggae, disco, un peu, pas mal disco même, enfin les années 70, ils ont pioché comme ça dans différents styles qui sont apparus, mais qui se sont complètement réappropriés à chaque fois. Ils ont puisé dans différentes références, multiplicité de références. Quoi. Et les musiques de films qui sont une sorte de parangon, aussi les musiques de films qui sont aussi les musiques, à commande, avec pas vraiment de style, mais plutôt un travail. C'était un terrain idéal pour eux, parce que justement, c'est de créer des ambiances, pour créer des ambiances, c'est piocher dans un fond. On peut parler même de clichés musicaux, de clichés de musique indienne, de choses comme ça, des valses ou des... Toute la série qu'ils ont sortie, les Ethnic Forgery Series. Là. Mais en musique de film, c'est hyper important. Et finalement, en musique de film, ce qu'on peut voir, et ce que je développe quand même un peu dans le bouquin, c'est de dire que justement, les musiques de film ont été un moyen pour certains styles d'apparaître, puis fait d'être beaucoup plus connu, d'être connu sans qu'on s'en rende compte finalement inconsciemment. Il y a des styles qui ont apparu qui sont par capillarité. Voilà, d'accord. Et c'était le terrain idéal pour eux, vraiment pouvoir faire différents styles comme le voulait quoi. Plus le fait que c'était écrit par Irmin Schmidt et que ça arrangeait un peu tous les autres membres du groupe de jouer la musique écrite par Irmin. C'était pas écrit, non, c'était des impros. Hein. Enfin, il donnait quelques comment on peut appeler ça, les indications qui lui avaient été données par le réalisateur, les réalisateurs des films. Il disait voilà, il voulait tel genre d'ambiance, tel. Non, il n'y a jamais eu de composition chez Can. Hein. Ça reste toujours de la musique, jouée dans une sorte de jam, même pour la plupart des choses complètement assez... l'exemple pour Cannes évidemment c'est ce Mother Sky où justement c'était le réalisateur Jerry Skolimowski voulait un morceau un peu à la You Do Right qui était sorti sur Monster Movie qui lui plaisait beaucoup. Il dit moi je veux une séquence de répétitive longue répétitive d'un bon quart d'heure pour faire une séquence complète du film sur que cette rythmique là, une rythmique un peu à la You Do Right. Et du coup voilà, il effaçait le leitmotiv donné à Irmin Schmidt qu'il a transmis au groupe et puis ils se sont mis à travailler comme ça mais en impro vraiment à partir d'éléments de base qui leur ont été donnés quoi finalement. Il n'y avait pas de composition. La musique du film Deep End qui est disponible d'ailleurs en DVD pour les auditeurs de Jerzy Skolimowski. Qui excellent, excellent film, brillantissime film de 1970, si je ne m'abuse. Donc une année après la sortie du Monster Movie et donc au tout démarrage de la formation Cannes, pour laquelle on va pas faire une émission entière et une émission thématique en vous passant un peu les différentes époques et les différents styles. La plupart de ces choses sont très très bien écrites. été très très bien détaillé, développé dans ton ouvrage paru Homo et le reste, Eric Kahn Pop Music. Donc ça fait, ça se présente un peu comme voilà, une sorte de chronologie. C'est fait de manière historique, très très, avec beaucoup de références. Tu es allé chercher pas mal dans des articles d'époque, tu as réussi à trouver pas mal de choses, notamment grâce à Internet hein, aussi. Mais Non. Grâce à Dominique Grimaud, resalue au passage. qui a été fan à l'époque. Nous, on était encore dans nos langes. Couches, hein, voilà. Et du coup, qui découpait les articles dans Melody Maker, New Musical Express, c'est une mine, quoi. Enfin, d'avoir pu avoir accès à une somme de. Il m'a transmis une centaine d'articles comme ça, de coupures de presse d'époque. Internet, ça m'a très peu servi en fait. Hein. Ah. Non, je repensais en fait notamment à une interview d'Yves Jolivet que tu m'as fait lire, Eric, dans lequel il parlait aussi de l'influence d'Internet par rapport au champ de la critique en fait, et sur la capacité pour le grand public d'avoir l'information aussi. Oui, pour écouter aussi. Écouter, pour se documenter, ce qui fait que le jeu de la critique n'est plus le même non plus que précédemment, notamment les journalistes de plume comme de radio. Hein, ça change un peu nos différentes activités, quoi. On fait une première pause musicale, respiration, avec un titre que tu nous as sélectionné. Il s'agit de leur premier, non pas leur premier 45 tours, mais un de leur premier EP, le morceau Turtles Have Short Legs. Ouais, sorti au moment de Tagomago, en fait, qui n'était pas sur l'album, mais qui est sorti à ce moment-là, justement pour en promo, mais complètement décalé justement par rapport à l'album. Et c'est toujours leur côté assez ironique, humoristique dans Cannes, c'est de prendre un peu les choses à contre-pied. D'accord, donc la face A ou B, c'était Alléluia, Alléluia, le titre du double album Tagomago, et donc Turtles Have Short Legs, qui était un inédit, donc qui ne figurait pas sur cet album culte du groupe The Can. On écoute Turtles Have Short Legs. Du moins, si je ne me trompe pas dans ma sélection, ça va partir tout de suite, ce titre de Cannes. Shot break. to the hanging man. And how come you're the only one who's like a rock that always stands? The Can sur l'antenne du 94 MHz à l'occasion de la sortie de l'ouvrage du même nom consacré au groupe de Cologne par mon camarade Eric Deher dans les studios de Canal B ce soir. Donc Can Pop Music aux éditions Le Mot et le Reste qui vient tout juste d'être édité. Donc avec deux titres, tout d'abord un morceau plutôt de 71, de l'époque 71. 1971 de Tagomago, de l'époque de Tagomago, donc Damo Suzuki officier à la voix, et à l'instant le fameux le sublissime, devrais-je dire, titre Sif, repris plus de 35 ans plus tard par Radiohead d'ailleurs. En concert, ouais, ils l'ont repris assez régulièrement fin 90, début 2000. Et qu'on retrouvait donc sur la compilation Delay 68. Pourquoi ce morceau ? Principalement parce que je voulais quand même passer un titre de cette émission trop courte, évidemment, consacrée à un groupe aussi immense, donc de Damo Suzuki, par qui j'ai découvert la musique de Cannes, et je voulais passer un titre des Lost Tapes, mais c'est des morceaux de 10 minutes à rallonge, et puis il s'est trouvé que je n'avais jamais diffusé ce morceau Sif, donc comment faire d'une pierre deux coups et se faire chaud que voilà du même coup. Et comme je te disais hors antenne, même quand on n'écoute plus la musique de Cannes parce qu'on la connaît trop, on connaît encore. Elle est éternellement actuelle. Voilà, et on s'en souvient encore. Justement, Delay 68 pour ça était c'est l'exemple parfait, c'est que en fait c'était un album qu'ils ont. C'est pas tout à fait une compilation, c'est un album qu'ils avaient commencé à travailler dans le style plus ou moins de Thieves, finalement ça a pas été les maisons de disques n'ont pas été intéressées, et puis ils se sont dit on va plutôt se lancer dans vraiment des rythmiques, faire un truc plus à eux, parce que là les morceaux de l'existence, il y en a quand même pas mal qui sont un côté assez rhythm and blues à leur façon, quoi. C'est vrai, ouais. Et le truc c'est que finalement c'est un album qui est finalement sorti Delay, qui a été retardé, voilà, et qui finalement est sorti en 81 quand ils ont créé leur propre label. Ouais, et de garde c'est à ce moment-là que l'album est sorti et il a eu un impact assez important. Il paraissait complètement actuel, même quand il sortait, quoi. 10 ans après avoir été conçu, c'était une redécouverte du groupe pour les fans des années 70 et même pour nous après, quoi. Quand on sait que c'est un album qui a été fait bien avant, qui devait à l'origine être leur premier disque, qui n'a pas été accepté par les vêtements. Du coup, c'est un jeu avec le temps chez Cannes. Un jeu avec le temps. Perpétuel. Oui, il joue avec l'écoulement du temps. Et justement, moi, c'est l'optique du livre de faire une histoire de Cannes chronologique, c'était justement essayer de faire ressortir les moments où, en fait, c'est une sorte de trou noir où en fait, on ne sait plus où on est. On écoute un morceau de Cannes, on est plongé dans leur musique et il n'y a plus rien qui se passe ailleurs, à l'extérieur. On est hors temps, quoi. C'est l'un des grands principes de la musique, en fait. Et qu'ils ont poussé vraiment à leur paroxysme, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que Cannes est disparu après la dissolution de la fin 70 du groupe. Enfin, le groupe a continué d'être actuel. Il n'y a pas eu des périodes de vide. Enfin, il a été écouté par la génération de la fin 70, début 80, les punk rockers, etc. dans les années 80. Enfin, c'est pas un groupe qui a été redécouvert par la suite. C'est un groupe qui est resté. Le gros avantage, là où ils ont vraiment saisi le truc au bon moment, c'est qu'ils ont fondé leur label, Hildegard Schmidt, qui a été la manageuse du groupe dès le début des années 70, a créé le label au moment où c'était l'explosion des labels indépendants et tout ça. On lui a dit parce que de toute façon sinon Cannes, qu'est-ce que ce serait devenu sans, enfin je pense que ce serait resté dans les bacs catalogues des grandes maisons de disques, peut-être qu'ils auraient sorti encore, on sait pas. Et là du coup eux ils ont pu gérer à leur façon les rééditions, et puis justement perpétuer l'intérêt pour le groupe, pour leur musique, quoi. Enfin, et ça a eu justement, là où il y a eu l'une des premières sorties de Spoon, ça a été la compile Cannibalism, qui a eu un impact énorme sur, il faudrait que je reprenne le bouquin pour savoir le nombre de personnes qui ont écouté, qui ont découvert, de musiciens, Johnny Rotten, avec les notes de pochette de Pitchell, ça va jusqu'à Josh Homme de Queens of the Stone Age, qui est un stoner américain qui classe Cannibalism parmi ses albums favoris. Enfin, il parle d'album, enfin, c'est une compile, mais. Et c'est justement d'avoir réussi à. Ouais, c'est une gestion de back catalogue, parce qu'après, ce sont quand même des disques, des produits qui ont été lancés sur le marché, mais que eux, bah, après, c'est une gestion de patrimoine, là. C'est vraiment de l'archive. Et par rapport à la gestion. C'est toujours le temps, là, qui est important. Et pour en venir à la gestion de tes souvenirs et de l'emprise de Cannes sur toi, comment on fait pour se mettre à l'écriture d'un livre comme celui-là, avec les différentes strates de Cannes accumulées, et comment on fait un travail critique, comment on arrive à démêler un peu toute cette histoire-là. Au niveau de l'histoire, ça n'a pas été trop compliqué, parce qu'il y avait quand même beaucoup de sources à disposition. Il y avait eu 3 bouquins, un en trilingue, un qui existe en anglais et en allemand, et un troisième, je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a celui de Pascal Bussy, il y a celui de Cannes qui a été sorti dans la Cannes Box, un autre d'un auteur allemand, que j'ai la chance de pouvoir lire en allemand, avec un petit dico quand même à côté, mais donc j'avais les sources pour ce qui est de l'histoire. Mais là où au départ ça m'a été beaucoup plus difficile, c'est de me dire pour les albums majeurs, Monster Movie, Tago Mago et tout ça, je voyais pas forcément trop de difficultés, je ne voulais pas dire que c'est facile, mais c'était pour les suivants qui sont considérés comme moins bons et tout ça, et je m'étais dit, oula, ça va être quand même dur de parler d'un album que moi-même j'appréciais pas forcément beaucoup, et c'est là et où finalement en me plongeant dans leur musique, dans leur démarche, de leur façon de faire de la pop musique, j'y reviens, et c'est où on retrouve, ils se sont sans cesse régénérés à contact de différents styles, et j'ai redécouvert complètement les albums comme So Delight, quoi, qu'on va écouter tout de suite, et ça c'est vraiment une des richesses et une des réussites de ton livre Cannes Pop Music, que je trouve, Eric, à savoir que tu arrives à nous faire réécouter effectivement une deuxième moitié de carrière de Cannes qui est très très souvent dépréciée et qu'on écoute moins, enfin en tout cas pour mon cas propre, c'était aussi comme toi. En fait, au-delà du rock, j'ai relu je me suis relu j'ai la prétention et en fait si on le relit, je crois que je porte un jugement assez quand même assez critique quand même sur ces albums là où je disais ça s'est dégradé et tout ça, et en fait non, enfin il y a eu les albums de fin 70 et sont pas complètement tous les titres sont pas bons, mais il y a des morceaux absolument fabuleux, quoi. C'est vrai qu'on est à peu près dans les mêmes genres de d'état musical que les débuts, des longues pièces de trance. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est qu'il y avait plus de chanteurs à part entière qui tiraient vers le groupe, enfin qui a un côté sur lequel on arrive à se raccrocher, donc les voix sont un peu peut-être en dessous, et peut-être le fait qu'il y a l'adjonction de nouveaux musiciens, que Holger Zucke se retrouve beaucoup plus à faire des samples et des capteurs. Sur So Delight, ce qui a beaucoup joué, c'est l'apport des deux musiciens de Traffic, Rebop, oui. Le bassiste, et le percussionniste, Koba, ils ont des noms imprononçables de toute manière. Effectivement, ouais. Pour le vif, là, j'arrive pas à retrouver. Non, on va les reciter après. Donc, tu voulais passer une longue pièce extraite de ce So Delight, hein, que tu vas nous présenter peut-être rapidement, ou dans le contexte un peu de l'histoire de Cannes. Mais c'est arrivé un peu à la fin du groupe, c'est dans les années où ils ont décidé d'arrêter de donner des concerts en 77, où ils ont commencé quand même avec Roscoe Gee, donc le bassiste, parce que le bassiste qui a remplacé Zucca, qui était à la basse jusque-là, qui lui voulait se plonger plus dans ses wave receivers, des capteurs, un dictaphone avec des radios pour travailler sur les ondes radio, sur les médias, c'était son credo, les modes de communication, il se lançait là-dedans de façon assez délirante, quoi. Et du coup il laissait la place à Roscoe Gee, qui a un son de basse quand même assez prononcé, assez groovy, et pareil Rebop, quoi coup, bah, j'arrive à écrire, c'est plus facile qu'à prononcer en fait. C'est plus facile à dire en allemand. Ah ouais, le prononcer en allemand. Et lui, c'est pareil, c'est un percussionniste qui est descendant d'une lignée de griots. Et qui c'est pas un petit percussionniste qu'ils ont trouvé comme ça. C'est le mec Jackie Lipside, quand il a vu débarquer dans le groupe, il était aux anges, quoi. Il retrouvait un feeling. Le batteur. Ah, oui, c'est clair, quoi. Bon bah écoute, on écoute un extrait de ce titre de 15 minutes que tu nous as sélectionné, Animal Waves, extrait de ce So Delight de Cannes. We'll be right back. la pop musique selon le groupe Can en 1977, hein, si je ne m'abuse, Eric. Ouais, 77, tout à fait. Avec ce titre très très disco-funk futuriste, avec le même thème répété pendant pas loin de 15 minutes. On aura écouté 8-9 à tout casser. Donc. Trou dans l'espace-temps. Ah, c'est un peu ça, oui. Comme la plupart de ces longues pièces fleuves dont ils ont le secret depuis leur début, hein, ils ont gardé un peu ce format-là de morceaux un peu de trance. Hein, donc, ouais, mais là, finalement, avec une rythmique de batterie qui est plutôt en retrait, finalement. Enfin, c'est vraiment là, c'est plus des percussions. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Le jeu de Lyon. C'est plus Jackie Deepside qui est martel. Qui est en avant, comme dans You Do Right. 7-8 ans avant. Là, c'est un éparpillement de percussions qui est polyrythmique. Oui, polyrythmie, ouais. Qui est, un côté un peu afro et africain aussi. Ça fait pas mal penser aussi à ce que Holger Szukay a pu produire depuis Canaxis, avec les veines de samples, de voix, de trucs. Oui, les samples aussi, oui, qui ont une grosse importance sur ce morceau-là. Et puis, sur ce qu'il a fait après aussi. Mais qu'il avait commencé bien avant aussi. Enfin, il n'y a pas d'évolution. C'est des choses qui prennent à un moment donné, qu'ils ont laissé. Pas linéaire. Holger Szukay, après Cannes, il a repris finalement ce qu'il faisait de quand il avait 17 ans, où il trifouillait des radios. Du coup, nous, là, il s'est mis à faire des wave receivers et puis les amples. Il avait commencé avec Canaxis à faire des milieu des années 60, aussi pareil. Fin 60, Canaxis, c'était un montage de musique assez répétitive sur des chants vietnamiens, quoi. Par rapport à cette deuxième époque de Cannes, deuxième moitié des années 70, époque sans chanteur bien identifié, enfin, ou en tout cas sans. Tout le monde s'y mettait un petit peu, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un album à proscrire, allez? Ah bah c'est le Out of Reach, l'album qui n'ont jamais réédité sur Spoon, oui, que j'ai acheté, je sais plus sûr que, enfin sur un site en ligne, je l'achète, je savais qu'il était mauvais, mais je l'achète quand même, quoi. Il y a quelques, c'est l'album qu'ils n'ont jamais réédité, quoi. Ok, donc sur la dernière partie de ton livre Can Pop Music, tu égrènes aussi pas mal les projets, en fait. Je voudrais juste rajouter qu'en fait c'est pas leur dernier album Out of Reach. Juste après, ils ont fait l'album Can avec la clé à outils, qui est plutôt bon, justement. Là, c'était pas Out of Reach, c'était la fin, fini. Non, ils étaient encore en capacité de produire un très bon album avec Can, début 80. Et pourquoi se sont-ils séparés alors, à cette époque-là, par rapport au projet des différents membres, peut-être? Après, pourquoi ils se sont séparés? C'est une certaine lassitude, oui, puis ça commence à s'éparpiller un peu. Enfin, déjà, Holger Szukay commençait à faire des enfants dans le dos. Était parti sur son projet Hollywood Symphony, qui est devenu Movies. Déjà, ça faisait ça. Il ne se produisait plus sur scène aussi. Ça a une grosse importance, en fait. Du coup, quand justement l'album raté Out of Reach, c'était après 6 mois où ils ne se voyaient plus trop, où ils n'avaient plus fait du tout de concert. Et du coup, au niveau de la cohésion, parce que ce qui est hyper important, c'est de vraiment, ils parlent beaucoup souvent de télépathie entre musiciens. Et pouvoir faire de la télépathie, il faut être en communication très forte. Oui, c'est sûr. Et ils se voyaient beaucoup moins, et du coup, ça s'est débité comme ça, quoi. D'accord, je voulais qu'on parle aussi un peu pour conclure cette interview fleuve autour de ton ouvrage Can Pop Music, de la descendance un peu donc de toute la dernière partie du livre que tu as pas mal développé. Donc, alors ça c'est un peu aussi comment en parler rapidement et en 5 minutes de tous les groupes qui se sont inspirés, influencés, revendiqués de Can. En tout cas, les chapitres que tu leur consacres sont assez éloquent. Il y a 12 pages. résumé. Non, mais pour, genre, pour dire en fait que dans les années 80-90, la plupart de la pop anglo-saxonne, c'est quand même pas mal revendiqué ou écouté Cannes. Enfin, Le filon qu'on peut prendre pour résumer un peu, c'est Bobby Gillespie qui a fait partie de Jesus and Mary Chain, qui ont eu un son, le son assez un pop aussi, mais avec un. Ah, je sais pas comment expliquer, enfin, à une réverbération, enfin, une profondeur dans le son qu'ils ont trouvé dans les rythmiques de Cannes. Bobby Gillespie, c'était clairement, enfin, le batteur de, enfin, il s'était clairement inspiré de Cannes en fait, en se lançant là-dedans. Et après, il a fait partie de Primal Scream, qui pareil a samplé du Cannes sur Vanishing Point en 2000. Après, au niveau des dates, faudrait que je reprenne le bouquin parce que ça me vient pas directement comme ça, mais voilà, c'est des fidons comme ça. C'est pas, on peut, c'est pareil pour Ken, on peut pas reconstituer comme ça. Enfin, c'est faut pas tracer l'histoire de façon linéaire tout le temps comme ça avec des groupes comme ça. Eux déjà n'ont pas une histoire linéaire, même si je voulais la faire chronologique pour montrer justement qu'il n'y a pas de linéarité. Et après, au niveau des influences qu'ils ont pu avoir, c'est pareil, enfin, ça part un peu dans tous les sens en fait. Ils ont Johnny Rotten voulait devenir leur chanteur, les Buzzcocks étaient fascinés, même si au moment où ils ont fait leurs albums, ça pas dans leur son, c'est quand même punk quoi, enfin Oui, il y a pas dans les Buzzcocks, c'est pas vraiment de, on entend pas du Cannes spécialement. Non, mais justement, enfin le leader comment a pu faire de la musique sur synthé avant les Buzzcocks, au tout début des années 70 et après dans le début des années 80 sur synthé quoi. Et là, tu nous as amené une petite merveille, hein, je dois le dire, hein, pour terminer cette séquence autour de Cannes. Un artiste qu'on passe peu sur l'antenne de Canal B et encore moins dans l'Asie le plus sûr. Il s'agit de Kanye West. Alors, pourquoi donc? Parce qu'il a fait un départ. Moi, je cherchais un peu les différentes angles qu'il y avait pu y avoir. Puis je me dis, tiens, Kanye West qui a fait un angle de Cannes. Je suis étonné, quoi. Et quand j'ai écouté le morceau, je suis tombé par terre, quoi. Parce que c'est beau, c'est bien, ça va bien plus loin qu'un angle. Ils refont le morceau au complet avec leur rythmique en intégrant évidemment le chant de Damo Suzuki. Et du coup, ça fait un trio. Oui, parce qu'il reprend pas n'importe quelle période. En plus, c'est l'époque Future Days, donc avec un album assez mythique. Donc, c'est Sing Swan Song. Voilà, ouais. Qu'on va écouter, hein, de toute façon. Parti comme on est parti, passons du Kanye West dans l'asile le plus sûr. Bullshit just to mess with these drunken hot girls. She go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go sucking, I'm again so happy. My shit sucking, I'm again so happy. Look at here what we got. Some drunken hot girls. Stop dancing with your girlfriend and come dance with me. Stop talking about your boyfriend since he is not me. Stop running up my tab, cause these drinks is not free. You drunken hot girl. She go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. She go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go slapping, I'm again too happy. My shit slapping, I'm again too mess happy. Mess with slapping, I'm again too happy. Drunken hot girls. but we hit the drive-through. You drunkie hot dreams. Please don't fall asleep, baby, we almost back. Please don't throw up in the car, we almost crashed. Oh, now you sober, how'd I know you'd say that? You drunk and hot girl. She gon' do too much bullshit just to mess with these drunk and hot girls. She gon' do too much bullshit just to mess with these drunk and hot girls. We got dangerous necessity that people seek without regard to where they are. The human heart is curious above all things. Love, the lights are low, your eyes are bright, the music plays, it's sweet delight. It's out of sight, I'm feeling right, your dress is tight. Right. Don't now. Tell me you sing, you about to get a deal. You drunk and hot girls. That's how the fuck you sound. You drunk and hot girls. Yeah. You only live once, do whatever you like. I thought I'd be with you for only one night. Now I'm with this girl for the rest of my life. That drunken hot girl. Oh, man. She go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. A little sippy sippy. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. She says you want a brisket? We go smoking on the a été très bien ce morceau de Kanye West. Tu reviens quand tu veux pour nous faire une spéciale, Eric. Donc, je suis pas un fanatique de Kanye West. Non, mais il y avait quand même la voix de Mos ouais. Def et trio, mélangée ouais. avec celle donc de Damo Suzuki sur ce titre Drunk and Hot Girls. Le texte n'était pas du tout de Kanye, mais plutôt à l'avenant de la production de Kanye West. Bah, le tout, c'était que réussisse à adapter en anglais des paroles qui, à la base, étaient du yaourt. Oui, voilà, de Damo Suzuki qui parlait un anglais approximatif, qui chantait en anglais. À peu près comme le yaourt de Christophe, quoi. Et d'accord. Qui, du coup, prenait les mots pour leur sonorité, sans forcément trop chercher un sens. Lui, c'était surtout la musicalité des mots qui l'intéressait, et ce qui est très bien. Et sauf que Kanye West, qui est américain, anglais, anglophone, du coup, lui, il fallait quand même qu'il trouve des... Bah oui, il n'avait pas ça en forcément. Radio, fois qu'il n'allait pas les chanter du n'importe quoi. Et du coup, il a fallu qu'il trouve une adaptation, et c'est là, quand on analyse les paroles, comment... Là, c'est, il parle d'une fille complètement bourrée qui danse sur une salle, sur le dance floor, quoi. Et puis, en gros, il dit, bon, bah, maintenant, on va rentrer, on va passer à autre chose de plus... conséquent. Horizontal, quoi. Et voilà, c'est un décalage complet avec le Sing Swan Song oui. du départ, où c'est un truc complètement très poétique, sur Iggy Magnazzi, et qui là, c'est un vrai sacrilège, quoi. Quand on voit il y a eu la compilation de remix de 97 de Cannes, qui était titrée Sacrilège, et là, c'est un vrai sacrilège qui me colle. Voilà, tout ce genre d'anecdotes que vous retrouvez dans le très bel ouvrage d'Éric Dehaye, Cannes Pop Musique aux éditions Le Mot et le Reste. Donc, quantité de choses et d'informations à repêcher dans ce très beau livre qui vient tout juste de sortir et donc qui est en librairie à peu près disponible partout en France et dans le monde entier. Voilà. Je te remercie, Éric, de nous avoir un peu offert la primeur d'une de tes premières exclusivité dans la cité plus sûre avec cette première interview à la sortie de cet ouvrage Cannes Pop Musique. D'autres informations peut-être à nous passer, peut-être qu'on peut choper via ton blog neosphere.free.fr qui est toujours en activité, hein, malgré le fait que tu es très occupé avec sans doute d'autres projets, mais qu'on je ne cafferai pas ce soir. Donc. Moi, je m'occupe d'un certain cas en particulier, mais je peux pas en dire plus parce que bon, c'est encore trop tôt. Un livre sur Kafka, donc. Voilà. La face musicale de Kafka. Tu voulais aussi nous passer des informations sur des rencontres possibles des auteurs du Mot et le Reste, et notamment notre camarade Dominique Rimaud, hein, qui va être bientôt... Le 12 octobre, en fait, on participe, Dominique Rimaud et moi, à la Jimmy, la journée des initiatives musicales indépendantes, qui est à Ivry-sur-Seine, le 12 octobre. Donc fin d'après-midi, vers 18h30, on participe à une rencontre autour du livre L'Underground musical en France. Donc une occasion de venir passer nous... Vous faire un petit coucou et discuter coucou, un peu... de tous ces mouvements-là que vous avez présentés donc, dans l'Underground musical en France ou toi aussi dans le livre sur le rock allemand. Là, ce sera plus l'occasion de parler des scènes indépendantes, quoi, des développements des labels indépendants, des scènes alternatives des années 70 qui souvent sont oubliées par rapport... Au rock alternatif français, voilà, par exemple. Voilà, où on parle souvent du rock alternatif comme étant les débuts de l'indépendance. Alors que il y a eu plein de réseaux. Et justement, l'Underground musical en France, c'était l'objectif, c'était de vraiment faire ressurgir toute cette scène-là qui était un peu oubliée, et trop souvent oubliée. Des réseaux de musique de traverse. Du coup, là, dans plein cœur d'accord. Dans la journée des initiatives musicales indépendantes. C'est il y aura d'autres auditeurs, peut-être d'autres auteurs du Mot et le Reste, peut-être l'éditeur aussi Yves Jolivet sera présent. Pas à la Jimmy. Là, je veux peut-être pas. C'est d'avancer. Peut-être une exclue, mais il y aura peut-être une présence sur les transmusicales. Mais là, il ne faut pas présenter le programme avant qu'il soit publié. D'accord, de toute façon, on vous tiendra informé sur l'antenne du 94 MHz. Et ouais, je vais rendre. Un scoop, hein. Ah bah oui. Merci Eric. Je vais rendre l'antenne avec une musique qui n'a rien à voir avec Cannes. J'ai réussi à trouver un groupe ou au moins un projet qui n'est pas influencé par Cannes. Il s'agit du fantastique musicien d'origine norvégienne Svart Greiner qui produit depuis quelques années notamment sur les labels Type ou encore sur son propre label Miasma, et c'est un album sur son label Miasma qui est sorti il y a peu de temps, il y a quelques mois, un peu avant l'été, sous le titre Black Tie, que je propose d'écouter pour s'acheminer gentiment vers le décollage à l'horizontale sur l'antenne de Canal B. Je vous souhaite une très très bonne nuit, je te remercie encore Eric et à la semaine prochaine. Bonne nuit.